Parce que quelqu'un qui, comment je pourrais dire ça, il y en a, il disait, les grands personnages, ils ont des grands défauts. Ben, la conscience, c'est tout un défaut au niveau social, au niveau psycho-affectif. Ça peut être un défaut. Parce que quand tu le sais comment que ça marche, l'intégration, ben, des fois, même si tu as une certaine empathie, tu vas laisser ton proche se débrouiller avec un problème, par exemple. Tout simplement parce que l'esprit va t'expliquer qu'il faut y a ça à vivre. Mais ça peut être vécu d'une façon souffrante pour l'enfant ou pour le proche. Parce que le proche ne comprendra pas. Il va l'interpréter psychologiquement. Fait que là, ça peut venir dire, ben, dans le fond, moi, j'ai manqué de la présence puis de l'affection de mon père qui était quelqu'un de bien frette parce qu'il était dans ces affaires-là.